m'obsède jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il est bien d'aussi loin que je viens. Ce n'est pas 100 000 musiciens. Un jour, cet air m'ondra folle. Sans foi, j'ai dû dire pour moi. Et il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi. Ouvre ma voix. Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souvenir à toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre, dites-moi. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par le cœur. Il dit rappelle-toi tes amours. Rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour qu'il ne pleure pas. Avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste. Mes 20 ans font battre ton bras. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, padam, padam, et je t'aime de 14 juillet. Padam, padam, padam, c'est toujours comme on achète au rabais. Padam, padam, padam, les voitures en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu.